bloqué. J'ai passé l'âge de passer large. Les obstacles s'élargissent. Quand j'écris ma rage, je dépasse les marges. Je dépasse l'espace. Sur les poignets, je traîne seul ou mal. raté malgré tes diplômes. Personne ne t'a jamais rappelé. J'ai dû me faire seul. Tout suit mon écho. Oh, c'est chiant, ça, c'est nul. Je suis sur des textes de merde. Quand ça va pas, ça va pas. Thank you.